إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، إن المسجد في الإسلام له مكانة رفيعة وقدسية وطهارة يعتاده المؤمن ويصلي فيه المصلي ويعتكف فيه المعتكف ويتعبد فيه المتعبد ويتعلم فيه المتعلم، لا يخلو من المتعبدين ولا من الدارسين. وقد أضاف الله تبارك وتعالى المساجد إلى نفسه إضافة تشريف وإجلال، وتوعد من يمنع من ذكره فيها أو تسبب في خرابها، فقال جل وعلا: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقد شهد الله تبارك وتعالى لعمال المساجد بالإيمان، فقال جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وامتدح جل وعلا عمارها بذكره كما في سورة النور: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. رجال يعمرون بيوت الله، رجال يحافظون على الصلوات جماعة في المساجد. Sachez, chers musulmans et musulmanes, que la place de la mosquée en islam est grande. L'importance de la mosquée en islam est élevée. La mosquée est un endroit sacré en islam, un endroit qui doit être respecté, car c'est le lieu préféré du croyant. C'est également vers ce lieu que se dirige celui qui désire accomplir une prière. C'est également dans ce lieu qu'est accomplie la retraite spirituelle pendant le ramadan. C'est également dans ce lieu que la plupart des adorations d'Allah Azzawajal y sont accomplies. C'est également dans ce lieu que la science est enseignée et apprise. Et Allah subhanahu wa ta'ala a parlé des mosquées en disant qu'elle lui appartenait. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala parle d'une de ses créatures qu'il dédie à lui-même, cela prouve son importance, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Coran. Et par la même occasion, et dans ce même verset, il met en garde toute personne qui oserait interdire que le nom d'Allah soit proclamé dans ses mosquées ou voir être la cause de la destruction d'une mosquée. Allah azza wa jalla dit, qui est plus injuste que celui qui empêche que dans les mosquées d'Allah on mentionne son nom et s'efforce à les détruire? Il n'y a pas une personne plus injuste. Et Allah subhanahu wa ta'ala a attesté à ces personnes qui fréquentent les mosquées, il a attesté que c'était des personnes croyantes, comme l'a dit Allah Azza wa Jal dans Sourate le Repentir. Ne remplis les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah et au jour dernier, accomplissent la prière, acquittent la zakat et craignent Allah. Et Allah Azza wa Jal a également fait l'éloge de ceux qui fréquentent les mosquées en disant, dans des mosquées qu'Allah a permis qu'on élève et où son nom est invoqué, le glorifiant en elle, c'est-à-dire dans les mosquées matin et après-midi. Comment Allah Azza wa Jalla a-t-il fait l'éloge de ces hommes et de ces femmes qui fréquentent les mosquées d'Allah? Il dit Azza wa Jalla selon le sens des hommes que ni le commerce ni le troc ne distrait de l'invocation d'Allah, de l'application de la prière et de l'acquittement de la zakat, et qui redoutent un jour où les cœurs seront bouleversés ainsi que les regards, et ce sera le jour du jugement. وبناء المساجد من أعظم القرب. فعن عثمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. متفق عليه. وأمر الشارع بتطهيرها وتنظيفها وتطيبها. فعن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، يعني في القبائل، وأن تنظف وأن تطيب. وهي المساجد هي أحب البقاع إلى الله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. أخرجه مسلم في صحيحه. ولعظيم فضلها وشريف مكانتها شرع لقاصدها من الآداب والسنن والأحكام ما يحسن التنبيه عليه. Et le fait de construire une mosquée fait partie des actes les plus méritoires pour celui qui le fait en ne voulant que la face d'Allah subhanahu wa ta'ala et en espérant sa récompense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme l'a entendu Uthman ibn Affan radiallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui construit une mosquée pour Allah en ne voulant que sa face, Allah lui construira une maison au paradis. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et l'islam nous ordonne également de nettoyer les mosquées, de les purifier, de les parfumer également. Aïcha radiallahu anha a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de construire des mosquées fil d'or, c'est-à-dire dans chaque tribu. Et il a également ordonné que ces mêmes mosquées soient nettoyées, lavées et parfumées. Et les mosquées sont les endroits les plus aimés chez Allah subhanahu wa ta'ala, comme le rapporte Abu Huraira radiallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'endroit le plus aimé chez Allah sont ses mosquées, et les endroits les plus détestés chez Allah sont les marchés, rapportés par Muslim dans son sahih. Et vu l'importance de la mosquée, il y a des comportements à avoir, il y a des règles et des jugements à respecter vis-à-vis de cette mosquée. ومن الآداب أيها المسلمون والمسلمات أنه يستحب لقاصد المساجد أن يتجمل لصلاته بما يستطيع من ثيابه وطيبه وسواكه. قال الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله أحق أن يتزين له. الله عز وجل هو أحق أن يتزين له، ولا يجوز أن يصلي في ثوب رقيق يشف عنه أو ضيق يكشف عن عورته، وتحرم صلاته في ثوب فيه صورة أو ثوب مسبل. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله جل ذكره في حل ولا حرام. وعلى المصلي أن يجتنب الروائح الكريهة في ملبسه ومأكله، فلا يؤذي إخوانه المصلين ببخر فمه ولا بقذر أنفه ولا بسهك عرقه ولا بنتن رائحته. فعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل البصل والثوم والكرات فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. رواه مسلم في صحيحه. Il y a donc des comportements à respecter. Le premier de ces comportements est de se rendre à la mosquée en s'habillant de façon convenable et en se parfumant par la même occasion. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran: ô fils d'Adam, dans chaque lieu de prière, portez votre parure, c'est-à-dire vos vêtements. Et selon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, il dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsque l'un d'entre vous prie, qu'il prie avec ses vêtements, car Allah mérite plus qu'on se fasse beau pour lui. Lorsque tu te rends donc à la mosquée, fais en sorte de mettre des vêtements présentables, car en priant, tu te poses et tu te mets debout devant le Seigneur de l'univers. Et également, il est interdit de prier avec des vêtements transparents ou des vêtements serrés qui laissent apparaître la forme des parties intimes. Il est également interdit de prier avec un vêtement comportant des représentations ayant des âmes, ou de prier avec un vêtement qui dépasse les chevilles. Il est également demandé à celui qui se rend à la mosquée d'éviter toute mauvaise odeur, que ce soit les mauvaises odeurs de ses vêtements ou celles de sa nourriture. Il ne doit pas porter atteinte à ses frères, ni par l'odeur de sa bouche, ni par l'odeur de ses vêtements, ni par l'odeur de sa sueur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme le rapporte Jabir ibn Abdillah: celui qui mange de l'oignon ou bien de l'ail ou bien du poireau, qu'il n'approche pas nos mosquées, car les anges répugnent ce que répugnent les fils d'Adam. Car les anges répugnent ce que répugnent les fils d'Adam. Lorsque tu fais du mal à ton frère musulman par tes mauvaises odeurs, sache que tu ne fais pas du mal uniquement à ton frère, mais aussi aux anges, car ce qui fait mal et ce que détestent les êtres humains, eh bien les anges le détestent également. ويخرج المسلم إلى الصلاة بسكينة ووقار ويقارب خطاه ويقول ما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا سمع الإقامة لم يسع إليها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا رواه البخاري ومسلم ويستحب التبكير والتهجير إليها فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. ما في التهجير يعني التبكير، يعني أن تأتي إلى المسجد مبكرا. ولو يعلمون ما في العتمة، وهي اسم من أسماء صلاة العشاء. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. ويقدم رجله اليمنى عند دخول المسجد ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم افتح لي أبواب فضلك، ولا يجلس حتى يصلي تحية المسجد ركعتين. فعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يركع فلا يجلس حتى يركع ركعتين. متفق عليه. ومن دخل يوم الجمعة والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين في أصح قولي العلماء يخففهما ويتجوز فيهما. فعن جابر رضي الله عنه قال جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس يعني سليك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. أخرجه مسلم في صحيحه. ومن دخل يوم الجمعة والمؤذن يؤذن فليبادر بالصلاة تحية المسجد ولا ينتظر المؤذن حتى ينتهي، لأن ذلك يفضي إلى أن يشرع في تحية المسجد والإمام يخطب. المسلمون qui se rend à la mosquée doit se rendre à celle-ci avec sérénité et quiétude, et il doit raccourcir ses pas, car chaque pas que tu fais en te dirigeant à la mosquée, c'est une bonne action en plus, c'est une mauvaise action qui est effacée, et tu es élevé d'un degré. Donc plus tu fais de pas, et plus cela est meilleur pour toi. Et lorsque tu entends al-iqama, l'appel à la prière qui précède la takbirat al-ihram, le premier takbir de l'imam, tu ne dois pas t'empresser, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous écoute ou entend al-iqama, qu'il marche en se dirigeant vers la prière, en étant serein, et ne vous empressez pas. Ce que vous arrivez à voir, alors priez-le, et ce qui vous a échappé, alors rattrapez-le. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et il est recommandé de se rendre tôt à la mosquée, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si les gens savaient ce qu'il y avait dans l'appel à la prière, et dans le premier rang, et qu'ils n'auraient trouvé que le tirage au sort, ils auraient accompli ce tirage au sort. Et si les gens savaient le mérite de se rendre tôt à la mosquée, il s'empresserait à le faire. Et si les gens savaient le mérite de la prière de l'Isha ainsi que celle de Subh, il s'y rendrait même en rampant. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Quant à celui qui entre dans la mosquée, il doit précéder son pied droit, prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dire l'invocation Allahumma ftahli abwab rahmatik. Oh Allah, ouvre-moi les portes de ta miséricorde. Et lorsqu'il sort, il doit sortir en priant sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dire Allahumma ftahli abwab fadlik. Oh Allah, ouvre-moi les portes de tes biens. Et lorsqu'il entre dans la mosquée, ils ne doivent s'asseoir qu'après avoir accompli deux unités de prière. Selon Abu Qutada, radiallahu an, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous entre à la mosquée, qu'il ne s'assied pas avant d'avoir accompli deux unités de prière, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et celui qui entre le jour du vendredi, alors que l'imam est en train de donner son discours, il ne doit pas s'asseoir avant d'avoir accompli ces deux unités de prière qu'il doit alléger. Et la preuve du hadith de Jabir ibn Abdillah qui dit que Sulayk al-Ghatfani est rentré le jour du vendredi alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train d'exhorter ses compagnons. Il s'est assis, c'est-à-dire Sulayk s'est assis directement sans avoir accompli ces deux unités de prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ô Sulayk, lève-toi et prie de raka'at et allège-les. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous vient le jour du vendredi et que l'imam est en train de faire son discours, qu'il fasse deux unités de prière et qu'il les allège, rapporté par Muslim dans son sahih. Quant à celui qui entre dans la mosquée le jour du vendredi, pendant que le muezzin est en train de faire son appel à la prière, il doit s'empresser de faire ces deux unités de prière. Il ne doit pas attendre la fin de l'appel à la prière pour accomplir ces deux unités de prière, car en attendant la fin de l'appel à la prière, cela reviendrait ou cela va impliquer qu'il sera en prière pendant que l'imam aura commencé son discours. Or, il est demandé d'être à l'écoute attentivement lorsque l'imam prononce son discours. Ayyuha al-muslimun, al-musallun fi al-masajid kulluhum sawa, faman sabaqa ila makan fi al-masjid istahaqqa, ومن أقامه منه بغير حق فهو مغتصب. فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. أخرجه مسلم في صحيحه. وليس لأحد أن يتحجر من المسجد شيئا فيضع سجادة أو بساطا أو عصا أو غير ذلك قبل حضوره، أو أن يوكل من يحجز له. ومن سبق إلى مكان في المسجد ثم فارقه لتجديد وضوء ونحوه فلا يبطل اختصاصه به، وله أن يقيم من قعد فيه، ويجب على القاعد طاعته. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. رواه مسلم في صحيحه. ولا يصلى بين السواري إلا إذا ضاق المسجد فلا بأس بالصلاة حينئذ. ويستحب الصلاة المصلي إلى سترة، ويرى بعض العلماء وجوب ذلك ودنوه منها ولو لم يخش مرا. وإذا أراد أحد أن يمر بين يديه فله منعه، فإن أبى فله دفعه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، أي وليقترب منها، ولا يدع أحدا يمر بينه وبينها، فإذا جاء أحد يمر فليقاتله فإنه شيطان. ويحرم المرور بين يدي المصلي حتى ولو لم يجد المار مساغا وسبيلا غيره إلا لضرورة ومشقة عظيمة لا يمكن دفعها، لما روى أبو جهيم الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، يعني ماذا عليه من الإثم، لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. وقال أبو النضر لا أدري قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. Les musulmans sont égaux dans la mosquée. Ils ont le même statut. Celui donc qui arrive avant l'autre mérite plus cette place. Et il est interdit de faire lever quelqu'un de sa place dans la mosquée pour s'y asseoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'un d'entre vous ne fasse pas lever un homme de son endroit, de l'endroit où il est assis, pour s'asseoir ensuite à cet endroit, rapporté par Muslim dans son sahih. Et il est interdit à quiconque de réserver sa place dans la mosquée en posant un tapis de prière, ou en posant un livre, ou en posant des lunettes ou autre. Il est interdit, ou même de léguer quelqu'un pour réserver sa place dans la mosquée. Tout ceci est interdit en islam. Et celui qui arrive, ou celui qui précède une autre personne à la mosquée, et alors la personne qui mérite le plus cette place, sauf pour celui qui a dû quitter sa place pour un laps de temps très réduit, comme pour aller renouveler ses ablutions, ou toute autre chose qui ne demande pas beaucoup de temps, alors dans ce cas, cette place lui revient et il en est de droit, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui se lève de son assise, puis revient à celle-ci, alors il est celui qui la mérite le plus. Et il est interdit de prier entre les piliers, sauf si la mosquée est pleine et qu'il n'y a pas d'autre endroit où prier, et il est recommandé, voire obligatoire chez certains savants, de prier en direction d'une sutra que tu poses devant toi, qui te permettra de protéger ta prière contre toute coupure, et tu dois interdire quiconque de passer entre toi et cet obstacle, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'un d'entre vous prie, qu'il prie en direction d'un obstacle et qu'il s'en rapproche et qu'il ne laisse personne passer entre lui et l'obstacle. Et si une personne vient et désire passer, alors qu'il le combatte, car ce n'est qu'un diable. Et il est interdit de passer devant un prieur qui accomplit sa prière, sauf dans des cas d'extrême urgence, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si celui qui passe devant le prieur savait la gravité de son acte, il lui aurait été préférable de rester debout 40 plutôt que de passer devant lui. Et le rapporteur du hadith a dit, je ne sais plus si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit 40 jours, 40 mois ou 40 années. Aqulu qawli hadha wa astaghfiruh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، وعلى القاصد المساجد أن لا يؤذي إخوانه المصلين بتخطي رقابهم ومضايقتهم ومزاحمتهم أو بالتشويش عليهم بالجهل بالقراءة والدعاء. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمع أصحابه يجهرون بالقراءة، فكشف الستر عليه الصلاة والسلام فقال: ألا إن كلكم مناج ربه، فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة ويجب أن يصال المسجد عن الأقوال الرذيلة والأحاديث السيئة والأصوات المرتفعة. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد حلقا حلقا، أمانيهم الدنيا، وفي رواية إمامهم الدنيا، فلا تجالسوهم فإنه ليس لله فيهم حاجة. سيكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد حلقا حلقا، إمامهم الدنيا، فلا تجالسوهم فإنه ليس لله فيهم حاجة. ومن التشويش والإيذاء الذي عم وطم في مساجد المسلمين وقطع عليهم خشوعهم وسكونهم ما يصدر من أجهزة الجوال اليوم من المقاطع الغنائية والنغمات الموسيقية والأصوات المضطربة التي آذت المسلمين أيما إذاء، فعلى كل مسلم يخشى ربه ويخاف عقوبته أن لا يدنس بيوت الله التي بنيت للذكر والصلاة وقراءة القرآن بهذه النغمات المحرمة والأجراس الشيطانية، وعليه أن يسارع في محوها والتخلص من شرها وإثمها. ومما تصان عنه المساجد أيضا إنشاد الضالة والبيع والشراء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يشتري في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا لا ردها الله لك أو لا رد الله عليك. أخرجه الترمذي في سننه. Sachez également que celui qui se rend à la mosquée ne doit pas chevaucher ses frères musulmans en passant au-dessus de leurs épaules. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme faire ainsi le jour du vendredi et lui a dit: assieds-toi car tu as porté atteinte. Il est également interdit de déranger ses frères et sœurs en haussant la voix, que ce soit dans la lecture du Coran ou dans les invocations. Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait sa retraite spirituelle dans la mosquée et il les a entendus lire à voix haute. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors ouvert le rideau et a dit: chacun d'entre vous parle à son Seigneur, que les uns ne portent pas offense aux autres et que les uns n'élèvent pas leur voix dans la lecture, car ceci dérange et ceci distrait les autres musulmans, que ce soit les autres musulmans qui lisent aussi ou que ce soit les autres musulmans qui font des invocations ou qui sont dans leur prière. Et les mosquées doivent être nettoyées de toutes les mauvaises paroles, de toute parole obscène et de toute discussion malsaine, et également de tout cri et de toute voix élevée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme le rapporte Abdullah ibn Mas'ud, il viendra dans la fin des temps des peuples qui s'assieront dans les mosquées et qui formeront des cercles. Leur guide sera la dunya, sera cette vie d'ici-bas. Et dans une autre version, leurs espérances sera cette vie d'ici-bas. Ne vous asseyez pas avec eux, car Allah n'a nul besoin d'eux. Ne vous asseyez pas avec eux, car Allah n'a nul besoin d'eux. Et parmi les choses qui portent atteinte aux musulmans à notre époque et qui cassent la concentration des musulmans, leur quiétude et leur sérénité, l'apparition des téléphones portables munis de sonneries musicales ou de sons bizarroïdes qui portent atteinte aux musulmans dans les mosquées. Il est demandé alors à chaque musulman qui craint Allah subhanahu wa ta'ala et qui redoute son châtiment de ne pas salir les maisons d'Allah qui ont été construites pour que son nom y soit proclamé et pour que la prière y soit accomplie et pour que le Coran y soit lu. Il est demandé à toute personne de ne pas salir les mosquées d'Allah subhanahu wa ta'ala avec ses sonneries interdites et ses musiques diaboliques, et il doit s'empresser de supprimer celles-ci car elles sont interdites de façon générale. Il est interdit à tout musulman ou à toute musulmane d'écouter de la musique, que ce soit avec son téléphone portable ou autre, et tu n'as pas le droit de mettre une sonnerie contenant de la musique interdite dans ton téléphone portable, que tu sois à l'intérieur de la mosquée ou bien à l'extérieur. Et quant à ceux qui, comme prétexte, disent « je ne sais pas changer de sonnerie » ou « il n'y a que ces sonneries présentes dans mon portable », eh bien, qu'ils se rapprochent de nous, Inch'Allah, et nous leur trouverons la solution à leurs problèmes. Et également, les mosquées doivent être épargnées de tout appel personnel et de toute action commerciale. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque vous voyez un homme vendre et acheter dans la mosquée, dites-lui qu'Allah ne fructifie pas ton commerce. Et si vous voyez une personne qui vient utiliser la mosquée comme un moyen d'appel pour retrouver une monture perdue ou autre, dites-lui qu'Allah ne te la rend pas. Hadith authentique rapporté par At-Tirmidhi dans ses Sunan. Wa nas'aluhu tabaraka wa ta'ala an yaj'alana mimman yuqimu hududah. Allahumma ighfir lana warhamna wa taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim. واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا ممن يحترمون مساجدك وممن يقيمون بيوت الله على ذكرك وشكرك يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين شرا فكن عليه بالمرصاد، ومن أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.